reprenons ces deux tutoriels par en situation pour la dernière ligne droite, les deux dernières interventions et pas les moindres, bien sûr. Et nous allons commencer tout d'abord par la communication de Guillaume Lully, qui est politiste et sociologue, qui avait consacré sa thèse à une sociologie de l'espace des revues intellectuelles françaises, cette fois-ci, en l'occurrence aujourd'hui, appliquée au cas particulier de Sartre et des temps modernes, qui ont été coupés. Il y a 35 minutes. Je n'ai pas de... Et d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de communication aux organisateurs. Et puis, voilà, donc avant de commencer, quelques remarques pour détendre un peu. Est-ce qu'en étrangère, dans tous les sens du terme de mots, qui vient de loin, qui peut parler quelqu'un énorme comme Sartre, est-ce que tu peux m'autoriser à parler de ça? Est-ce que le public est prêt et disposé à m'écouter? Ce doute existe depuis longtemps. J'espère qu'aujourd'hui, j'aimerais bien anticiper ce doute qui reste dans ma tête. Deuxième remarque, comme je suis coréen, je suis ravi de trouver quelqu'un qui est mon voisin en termes de nationalité selon le droit international. Et je crois qu'il y a longtemps, tu me croyais que sartrien. C'était les années 80. Maintenant, on n'en parle pas beaucoup. C'était le moment de mouvement pour la démocratisation en Corée. C'était le moment équivalent mai 68 qui dure plus de 7 ans, tous les jours. Sans happy. Voilà. C'était l'ambiance, c'était comme ça. Le mot l'engagement était très fort. C'est vraiment vie et mort pour beaucoup de gens. Et ce mot l'engagement encore valable dans la société sud-coréenne. Donc le mot intellectuel, dans le sens de Zola ou de Sartre, Foucault, Bourdieu, qui est valable, très comparable à celle qu'on entend en Corée. Voilà, un des rares pays comparables avec la France. Voilà, donc je vais commencer la sociologie. Vous êtes, j'imagine bien que sauf quelques-uns, vous êtes tous littéraires, hein, en termes de discipline, hein, définie par le ministère. Et j'aimerais bien sortir un peu de le contenu littéraire, hein, pour voir, pour prendre la distance, tout ce que vous avez pas dit. Voilà. Et avant de commencer, juste un mot, j'ai pas bien, c'était le résultat de ma thèse que j'ai soutenue il y a quelques années. Et pour mener ces enquêtes, j'ai mis 10 ans. Et justement, un mot, je précise pas dans mon exposé, mais juste. Si tu es dans l'espace, en termes d'espace, ce n'est pas la peine de mobiliser le concept sociologique ou philosophique, juste espace. Donc, ce n'est pas une revue, il y a plusieurs revues. Voilà. Vous pouvez comprendre plus facilement ce que je voulais. Bon, maintenant, je vais commencer mon chrono. Si la plupart des travaux consacrés à Sartre ne manquent pas de souligner le déclin du modèle intellectuel qu'il a incarné, il tente à appréhender a priori ce déclin en question comme un fait accompli, relevant quasiment de l'ordre naturel. Mais il serait plus intéressant d'y voir une perspective empirique susceptible d'interroger le processus de phénomène lui-même, et notamment ses répercussions sur les divers champs de production culturelle légitime, ainsi que les stratégies des acteurs impliqués directement et indirectement. À cet égard, le temps moderne apparaît une excellente illustration. érosion progressive, mais irréversible, de l'hégémonie de cette revue, qui était au cœur de l'entreprise intellectuelle de Sartre, selon le terme anaboschketti qu'il a utilisé dans ses travaux. Cette érosion déclenche est non seulement à l'origine d'une reconfiguration profonde de l'espace des revues intellectuelles, j'utilise le mot espace des revues intellectuelles, mais traduit également les transformations structurelles de l'ensemble du monde intellectuel français. Sur ce point, il convient de se garder toute tentation d'interprétation réductrice et simpliste qui emprunte le plus souvent objectivisme, cherche coûte des explications clairement identifiées, repérables de ce déclin. En fait, cette histoire de déclin est le résultat de la convergence de multiples facteurs, surtout d'un long processus dans le temps. Longévité de la domination des temps modernes de Sartre dans le champ intellectuel français ou ailleurs s'explique par la référence continue, positive, négative, de nombreux agents au modèle sartrien. La forme même, l'histoire continue même après la disparition physique de Sartre lui-même. Donc la forme revue incarnée par cette publication est pour ces agents une variante constante dans la construction d'une raison d'existence singulière des revues. Revue vise à occuper une position dominante dans le champ intellectuel. Aussi, l'affaiblissement des temps modernes, de par la position hégémonique de Sartre lui-même, ne doit pas être appréhendé en termes de renversement des rapports de force qui opéreraient mécaniquement un remplacement des anciens par des jeunes. Cela d'autant moins que l'entreprise intellectuelle sartrienne englobe l'ensemble de son œuvre et de sa contribution à la vie intellectuelle, culturelle, voire politique. Ainsi, au lieu de chercher des critères objectifs pour mesurer l'évolution du niveau d'influence, souvent chiffré ou d'autres, dans l'histoire de la revue, ma recherche vise à objectiver le processus de déclin de la position économique de cette revue. Cette démarche me paraît plus pertinent pour rendre compte des transformations structurelles du champ intellectuel où l'on trouve la plupart des gens les plus intéressés à cette revue. Cette perspective se situe dans la continuité celle posée par anaboschketti dans ses travaux consacrés au temps moderne Sartre, qui s'arrête pour autant en termes de périodicité à la fin des années 60. Mais pour garder une cohérence de mon analyse, je vais essayer de retracer chronologiquement les multiples signes d'essoufflement, de prédominance de cette revue observable depuis les années 50, c'est-à-dire le moment de l'apogée de son hégémonie. Dès ce moment-là, on peut trouver, on verra, premiers signes de déclin, comme le fond. Les premiers signes d'affaiblissement de la revue dans le champ intellectuel français apparaissent déjà après le départ de Merleau-Ponty en 1953. Merleau-Ponty était figure 40 de marque de l'excellence universitaire au sein de membres de la revue. Son départ conduit à l'entrée dans l'équipe de la rédaction de plusieurs nouveaux membres, plus jeunes que les membres sartriens comme Pontalis ou Pouillon, et doté principalement d'un capital plus modeste et donc plus dépendante de l'autorité de son mentor, Sartre. Ils sont Claude Lanzmann, Gianco, Marcel Péjou. Et depuis, la nature, la structure de capital collectif de la revue ne cesse de se dégrader, notamment par son rapprochement incontrôlé au journalisme et essayisme. Les jeunes comme Jacques Laurent Post, André Croft, ils disposent d'une légitimité intellectuelle hybride, mélangeant diverses composantes souvent incomparables, voire incohérentes, en devenant tout à la fois théoricien, militant, spécialiste, journaliste, etc., etc. La dimension de poids de Paul de Savant au sein de l'équipe de la rédaction n'est pas compensée par la collaboration régulière de certaines universités renommées qui préféraient désormais les revues spécialisées plus appréciées en termes de normes académiques. On reviendra sur cette question. En effet, les critères d'excellence du champ intellectuel se déplacent en faveur de nouvelles disciplines universitaires comme l'anthropologie, la linguistique, la psychologie, la sociologie, et qui s'inspirent souvent du structuralisme dont la vogue commence vers 1958 avec la publication de l'anthropologie structurelle de Claude Lévi-Strauss, ou le Roland Barthes publié en 1957, Mythologie, et Michel Foucault en 1961, Histoire de la folie, etc. Dans les années 70, l'image même de Sartre en tant que modèle intellectuel s'éclipse à la faveur des nouvelles figures comme Lacan, Althusser, Barthes, et surtout Michel Foucault, qui opposent au modèle Sartre omniprésent dans tous les domaines, comme l'intellectuel total, ce qu'on dit aujourd'hui, un autre modèle intellectuel fondé davantage sur un savoir spécialisé qu'il a nommé intellectuel spécifique. Dans ce contexte, les signes d'affaiblissement significatifs se retrouvent également sur la ligne littéraire, ligne la plus distinctive pour la revue par rapport aux autres publications en concurrence depuis sa naissance. La démission de Bengo de Pontalis en 1970, je pense, sous l'influence de Gortz, très active depuis 1962 au sein de la rédaction, et la diminution nette de la part littéraire à partir de 1970, ou une nouvelle politique éditoriale qui se résume en quelques mots d'ordre, l'aspect idéologique qui prévaut, qui permet à la revue de s'ouvrir davantage sur une tribune, davantage à une tribune sur l'actualité. Ou encore, l'isolement dans le débat intellectuel dominé désormais par les mouvances plus avant-gardistes, comme le nouveau roman, la nouvelle critique, dont l'accent de gravité se trouve autour de tel quel. Voilà. Toutes ces marques de l'affaiblissement sont observables désormais, même en dehors du champ de la production intellectuelle légitime. Ainsi, les pertes de la valeur de l'engagement sartrien est-elle devenue de plus en plus visible dans divers espaces sociaux. Plus globalement, les évolutions de l'ensemble de conjonctures sociales et politiques, nationales et internationales, ne sont pas très favorables aux thèses mobilisatrices défendues par le prophétisme sartrien. Par exemple, le soulèvement à Budapest, le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, la confirmation de la reprise économique en France, la consolidation de Helsinki-Liste, contrairement à l'Italie-Sud, contrairement à Sud-Est, la fin de la guerre d'Algérie, l'échec des aventures politiques s'inspirant de l'utopie révolutionnaire de Thierry Mondiste. Voilà. Donc l'évolution de Sartre vers le gauchisme, aux humeurs, ce qu'on appelle l'humeur anti-institutionnelle, procède de ces mutations. Je prends un exemple, par exemple, sa tentative de relégitimer sa position intellectuelle à la faveur de la crise de mai 68, ou des mouvements contre la guerre de Vietnam, ou comme la multiplication d'actions plus ou moins directes pour soutenir la création de médias comme la Cause du Peuple, l'Agence de la Presse Libération, le Journal de Libération, l'Express, France Observateur, etc. Sartre prend désormais de plus en plus de distance avec la gauche politique elle se rapproche des jeunes maoïstes ou gauchistes dont le militantisme avant-gardiste résiste mal aux évolutions de situation politique nationale et internationale. On connaît le nom Pierre-Victor Alia Benivi, André Glucksmann, ils sont là à cette époque. C'est ainsi que se multiplient les épisodes de Mao, c'est une expression, l'épisode de Mao, dans le numéro de spécial de 1972, qui était mené exclusivement par les jeunes militants regroupés autour de la cause du peuple, qui constitue un très bon exemple. Si on observe la persistance de l'influence plus ou moins marquée des fondateurs comme Sartre et Simone de Beauvoir dans le débat intellectuel à cette époque, ma situation de la revue qu'il dirige ne cesse de se dégrader, comme en témoigne l'instabilité de l'équipe de la rédaction et surtout la diminution des lecteurs, déjà réduit à 11 000 environ vers le milieu des années 70. Le tirage atteint à peine 8500 5 ans plus tard. À ce stade, on peut évoquer un phénomène plus général, c'est-à-dire le fait que depuis la fin des années 60, les revues dominantes dans le champ intellectuel sont confrontées à une situation très difficile, tant pour trouver leur audience que pour assurer leur propre légitimité au sein du champ intellectuel. Cette situation tient en grande partie aux transformations des instances de diffusion des produits culturels au sein desquels elles bénéficient jusqu'alors du statut le plus noble, en se différenciant d'autres supports de publication périodique. Et on peut noter ainsi ces évolutions défavorables aux revues généralistes comme Le Temps Moderne. Je ne vais pas citer le titre de publication. D'abord, le nombre de croissants des revues universitaires spécialisées en sciences humaines et sociales, j'ai déjà parlé un peu avant, et l'accroissement de l'offre et la demande des ouvrages critiques en sciences humaines, et l'apparition des nouvelles références de l'extrême gauche, l'influence croissante des hebdomadaires politiques culturels, et la diversification de la presse littéraire. Voilà, toutes ces transformations des instances de publication ont pour effet d'accorder aux différents intellectuels davantage d'espace possible de publication, par là même de réduire l'importance relative que ces intellectuels ont accordée aux généralistes. Ce qui explique en partie la raréfaction des contributions des intellectuels savants dans les revues intellectuelles, qui comptent désormais davantage sur les collaborateurs fidèles, souvent membres de l'équipe, ou de proches de réseaux qu'elles forment. Donc, à cet égard, l'exemple de Pierre Bourdieu est significatif. Durant les années 1960 et 70, il acceptait un article à l'Esprit 61 et 4 au Temps Moderne. Il a aussi accordé un entretien à la Nouvelle Critique, 75, et après à l'Esprit une fois sous forme de la réponse. Mais depuis la fondation des actes de la recherche en sciences sociales, en 1975, il s'éloigne davantage, presque nettement, des revues intellectuelles. Si cet ensemble... plus particulièrement à partir du début des années 70, cette tendance s'accélère par le renforcement de la logique commerciale qui pèse lourd sur désormais toutes sortes de publications en France. Si cet ensemble de changements des règles du jeu dans le système de circulation des produits culturels concerne toutes les revues intellectuelles généralistes, il touche cependant de manière beaucoup plus sérieuse et percutant le Temps Moderne, car cette revue occupait jusqu'alors une position, la position la plus privilégiée, la plus reconnue dans ce système. La disparition de Jean-Paul Sartre en 1980 n'est qu'une, je souligne, une étape dans le long processus d'affaiblissement de l'hégémonie de l'État moderne. Les conflits internes à la revue, notamment ceux qui surviennent après la mort de Sartre puis celle de Simone de Beauvoir en 1986, sont loin d'être un signe d'un dynamisme renouvelé des discussions intellectuelles au sein de l'équipe, mais plutôt constitue un indice supplémentaire pour révéler l'incapacité de relancer un débat susceptible d'être attiré l'attention du monde intellectuel. Si chaque crise interne conduit à la réorientation apparente de la politique rédactionnelle, à la recomposition des membres de l'équipe, elle n'a aucunement pour effet l'élaboration de nouveaux projets collectifs. Si les membres se déchirent à la suite de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, ou encore sur la Pologne, sur la guerre israélo-palestinienne au Liban, il ne s'agit pas simplement d'un problème de succession après la disparition des fondateurs, ni, à mon avis, des accords idéologiques sur les questions d'actualité qui se posent à l'époque, mais plutôt le résultat de l'absence de la ligne éditoriale clairement définie, parce que ce dernier élément est une condition impérative pour rester de manière légitime dans le champ intellectuel, quelle que soit l'époque. En effet, l'absence de ligne éditoriale de la revue, qui peut s'observer depuis la fin des années 70, se traduit par le désajustement répété, conduisant à une sorte de suivisme par rapport à d'autres publications concurrentes, autrefois dominées et devenues dominantes. Les thèmes sur lesquels la revue investit le plus, notamment c'était aux pays étrangers lointains, n'ont pas d'écho auprès d'autres revues. Les auteurs des temps modernes viennent d'horizons divers et sont dotés globalement d'un faible capital intellectuel, malgré la présence parmi certains intellectuels de gauche connus et reconnus, comme Balibar, Abeles, Lipietz, Saminaï. Enfin, il faut ajouter un autre signe moins visible, mais beaucoup plus significatif pour expliquer ce processus d'affaiblissement. Ce signe découle d'abord, avant tout, de la désorientation de la stratégie de recrutement qui n'est pas sans lien avec l'absence de la politique éditoriale. La recomposition de l'équipe de la rédaction a fait entrer dans la revue des personnes qui ne s'identifient pas aux fondateurs ni à ses idées. Leur présence, leur contribution rendent problématique l'identité même de la revue acquise dans le passé. Sur ce point, on peut noter Pierre Rigolo et Alexandre Adler qui ont un point commun d'être des reconvertis radicaux de l'extrême gauche affichant un conservatisme radicalisé fondé sur le renouvellement de l'anticommunisme. Et j'ai raté. Et voilà, c'est trajectoire de Pierre Rigolo. Et plus significatif, Alexandre Adler, parce qu'on connaît maintenant, Alexandre Adler est assez connu maintenant. Le cas de Pierre Rigolo est particulièrement parlant à cet égard, dans la mesure où la plupart de ses contributions portant sur la question du totalitarisme, thème central des revues concurrentes à l'époque, à savoir Contrepoint, Commentaire, Livre et Esprit. Ce qui signifie que sa conviction conservatrice a donc eu lieu avant ou au moins au moment de son entrée au comité de la rédaction. Depuis les années 80, la revue de l'État moderne, fondée sur Sartre, n'occupe plus une position meneur de débat intellectuel, malgré les changements répétés de l'équipe, dont certains nouveaux membres sont dotés d'un capital très inégal les uns par rapport aux autres. Saminaï, Alain Lipiette, Michel Deguy, Daniel Salonave, il est là, et Robert Hedecker, et encore une autre personne qui est là, Emmanuel Vallon. La revue ne parvient pas à renouveler son capital collectif, reste à l'écart de Paul Dubo, qui est en train de naître, qui va devenir bientôt dominant dans l'espace des revues intellectuelles, mais aussi dans l'espace intellectuel tout court pendant les années 80-90, autour de trois revues, Esprit, Commentaire, Le Débat, plus légèrement, trois revues ne sont pas tous, même idéologiquement, intellectuellement, ils s'unissent contre certains, comme Bourdieu, etc. C'était la scène du milieu des années 80-90, c'était ça. Au moins, on découvert au moment où l'éclatement de 1995, des grands mouvements sociaux, là on voit la division du monde. Le monde intellectuel français est scindé en tout. Contre Bourdieu, pour Bourdieu. En guise de conclusion, je voudrais évoquer deux observations beaucoup plus récentes sur les temps modernes qui me semblent assez révélatrices des différentes représentations de cette revue dans le champ intellectuel aujourd'hui. L'extrait que je vais montrer, voilà, premier. C'est l'extrait de la conversation entre le directeur de deux revues, Le Débat et Esprit, illustre bien comment les temps modernes sont à la fois une référence négative dans le passé, un repère universalisable en tant qu'une forme idéale de publication. Je ne vais pas lire, vous pouvez lire rapidement. C'est je vais commencer juste de première phrase. Casanova n'est pas Raymond Aron, Mongzhen n'est pas Emmanuel Mounier, et moi-même, je ne suis pas dit. Nous en sommes parfaitement conscients. Cela participe d'un mouvement d'ensemble dans lequel le fameux grand intellectuel, dont la revue était le mode d'expression, style Sartre, avec les temps modernes, a aujourd'hui disparu. Loin de se cantonner à un projet limité à un domaine culturel proprement dit, leur discours vise explicitement l'ensemble du champ intellectuel. C'était l'ambition de Sartre. Ils remettent en cause notamment le modèle incarné par Sartre, les temps modernes, et par ce bien même, ils tentent, ou plutôt souhaitent, imposer au nom de l'avenir une nouvelle définition de la figure intellectuelle légitime, et aussi de son travail, aussi de sa fonction sociale. Ce faisant, les auteurs, ce discours, ces conversations, se réclament de statut équivalent à celui reconnu aux gens consacrés dans l'histoire champ intellectuel, tout en réduisant ces grands intellectuels à l'image des hommes revus. Parce que pour eux, les grands hommes intellectuels, tous, c'était l'homme de revue. Donc, ils voulaient devenir un prototype de revue intellectuelle, reviste intellectuel, c'est intellectuel. Voilà. Qui trouve comme leur mérite existentiel dans l'incarnation de modèles revue idéalisantes. Idéalisante que sont toujours les temps modernes. Une reconnaissance, double reconnaissance négative ou positive. La deuxième observation porte sur les états généraux de revue. C'est un débat public organisé en juin 2012 au centre Georges Pompidou à l'initiative de l'hebdomadaire Les Inoccupables. Au lendemain de l'élection présidentielle en 2012, animé par Sylvain Bourmont, rédacteur en chef adjoint du journal, ce débat réunit 20 revues invitées à débattre publiquement de la question de la reconstruction de la politique. C'est un titre. Les revues se voient attribuer une étiquette de gauche. Pourtant, les organisateurs de ce débat ont refusé d'inviter les responsables des temps modernes, en les soupçonnant d'avoir évolué vers le dérapage intellectuel dans l'espace de la réception des revues de gauche en France. La revue fondée par Sartre n'est plus reconnue aujourd'hui comme étant de gauche au lieu d'un bon nombre intellectuel. Adjectif pour finir, de gauche, adjectif, la revue intellectuelle, toujours qualitative, c'est un objet de combat permanent dans le champ intellectuel, quelle que soit l'époque. Voilà, merci. Merci pour cette belle entreprise de démystification sociologique qui n'est pas une conversation morale, mais une entreprise. Merci. Qui est une entreprise collective, réinscrite dans le marché éditorial et de la lutte entre et pour le statut de revue intellectuelle. L'audience est libre. J'aurais une question à vous poser sur une période un peu spécifique. Je m'étais beaucoup intéressé à, on va dire, à la période des temps modernes qui va entre 67 et 75, pour faire simple, un peu avant 68, un peu après, parce que je faisais beaucoup de recherches sur différents mouvements politiques, soit d'extrême gauche, soit dissidents en Europe de l'Est, et je cherchais des choses. À chaque fois, je les trouvais dans les temps modernes. Je cherchais un texte sur les Black Panthers, c'était dans les temps modernes. Je cherchais un travail sur les dissidents de Prague, qui était dans les temps modernes. Je me suis dit, je vais lire la période, parce que finalement, s'ils sont toujours publiés là, autant lire directement cette période-là. Et ça, c'était vraiment une position exceptionnelle. C'était la seule revue où on avait des nouvelles des mouvements étudiants polonais, avant que personne n'en parlait à ce moment-là, etc., etc. Et donc, d'un point de vue historique, j'ai vraiment l'impression d'une revue exceptionnelle qui avait des infos de par le monde vraiment inédites et qui sont aujourd'hui des documents. Il n'y a qu'eux qui les ont en langue française, par exemple, sur tout ça. Mais par rapport à votre propre travail, qu'en était-il par rapport à la popularité de cette période-là d'un point de vue extérieur? Juste un peu de... Peut-être oui. Malentendu de ça. Il vaut mieux déplacer la périodicité, le rôle oui. important de tuer par le temps moderne, c'est un peu avant. Oui. Je dirais là, jusqu'au début, au milieu, l'apogée c'était jusqu'aux des années 50. Mais comme je vous ai montré, c'était déjà commencé. En tout cas, le rôle hégémonique de tuer par le temps moderne dans le champ intellectuel, qui dépasse le champ littéraire, philosophique, universitaire, tout. Il n'est pas universitaire, mais il dépasse tout. C'est ça l'hégémonie. Qui était très visible jusqu'au même à la veille de 68, quand même, il était très fort. Avant, c'était les signes de clan partout. Mais en tout cas, jusqu'au milieu des années 70, grosso modo, le temps moderne, ça est encore là. Mais, évidemment, le mai 68 est un moment très fort. Et après, les années 70, c'est pas uniquement le temps moderne Sartre. Dans l'ensemble des. Il en vogue des gauchistes, mais en réalité, je dirais, c'est mon interprétation, c'est une cacophonie intellectuelle qui est aussi dans tous les segments d'espace culturel intellectuel. Là, le rôle de l'État moderne dans les années 70, c'était pas tout. Je pense que ce n'est pas très important. Parce qu'il y a, des multipôles, une multiplication des pôles souvent contradictoires, très radicalisés. Mais tout à la fin des années 70, début des années 80, la naissance de la coalition que j'ai nommée, les trois types de conservatisme intellectuel inscrits dans les trois revues, qui sont complètement différentes, quand même ils fonctionnent contre le modèle Sartre, en commun. Trois revues, c'est-à-dire L'esprit, le débat, commentaire. Merci. Mais est-ce que c'est quelle période à laquelle vous faisiez allusion? 67. Moi, je disais 67, 75, c'était un peu avant 68. C'était les textes de dissidents. Du monde entier. Oui. Ah, c'était. Je comprends tout simplement au tournant. C'est-à-dire en fait. Oui, c'est pas uniquement, c'était l'état moderne à d'autres groupes d'intellectuels qui ont joué un rôle beaucoup plus important pour accueillir des dissidents, pour parler des droits de l'homme. En tout cas, parmi d'autres, c'était à cette époque déjà, l'état moderne. Je dirais très affaibli à cette époque déjà. Oui. Physiquement, Sartre n'était pas en forme, en fait, vous le savez très bien. Et toute l'équipe, c'est une manipulation interne, etc. C'est un épisode très individuel. Non, si j'ai bien compris, je voudrais que vous me compreniez. Il semble qu'il y a une pratique qui change la théorie. Sartre qui confirme la théorie en général de Sartre. C'est-à-dire que, tandis qu'on est là en train de discuter une théorie, il y a une pratique qui se cache, de Lusier, et qui est en train de changer le monde. C'est ça que vous avez voulu nous montrer, je pense. C'est ça? On peut le dire comme ça, oui. C'est une question de l'ordre informatif. J'aimerais bien savoir combien ça représentait en termes de lecteurs abonnés les temps modernes à leur apogée, au moment des années 50. Vous avez évoqué le passage de 11 000 à 8 500 courant des années 70. Et combien il y en a aujourd'hui? Et si, si vous le savez... Justement, ça revient à la question précédente, aux remarques précédentes. En fait, dans les années 80, période des années 80-90, pour les chercheurs, notamment sociologues, n'est pas vraiment historique, en quelque sorte. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'accéder aux archives. Première remarque. Deuxième remarque. Si, une période beaucoup plus précédente, on peut trouver certaines archives, le PNF ou d'autres endroits possibles. Par contre, tout le reste, pour l'instant, j'ai un peu oublié, je dois retrouver le chiffre exact des années 50, mais par contre, les années 80-90, même avant, souvent, même dans les archives, le nombre d'abonnés, le tirage, tout ça, chiffre, je dirais tout faux. Même pendant les entretiens, les responsables des revues, j'ai choisi 10 revues. Vous connaissez tous les titres, je pense, toutes les revues intellectuelles plus très très connues. Tous grands intellectuels, en fait, responsables de ces revues. Ils ne parlent jamais très franchement ces chiffres. Ça, pour réfléchir, ça me permet de réfléchir. Malgré leur travail purement intellectuel, sensibilité à leur existence à travers les chiffres, comme c'est ça la pratique. Ils détestent les journalistes, ils sont très sensibles au jugement des journalistes. Parce que comme le marché de public, le nombre de publics, des revues intellectuelles, etc., il y a jusqu'à il y a 10 années, un étudiant philo en Angleterre était abonné de l'Esprit, l'État moderne. Maintenant, c'est impossible. Ça n'existe plus. Donc pour ça, c'est plus leur vie, leurs conditions de vie, survie est difficile, ils sont plus sensibles. C'est ce que j'ai constaté, la pratique des revistes. Ils sont tous grands intellectuels français vivants. Ils sont très sensibles à cette question de visibilité. Ça, il ne faut pas casser. Maintenant, vous savez très bien, tous universitaires, même revues universitaires, ils sont très sensibles, les responsables sont très sensibles d'être remarqués en dehors de champ de terre. C'est la réalité, c'est ça la pratique. Donc ça, c'est ce que j'ai constaté en fait. Entre parenthèses, je voudrais vous donner un exemple. L'État moderne, comment il, en tant qu'une revue, une équipe, comment ils vivent, et cette revue vit. Parce que cette revue est publiée par Gallimard. Exactement dans la même maison, il y a une autre revue, Le Débat, en termes de puissance, influence beaucoup plus importante que l'État moderne. Et le bureau de Le Débat se trouve à l'intérieur du bâtiment de Gallimard. Et le bureau de l'État moderne à l'extérieur de en apparence beaucoup plus autonome. Par contre, il n'y a aucun support logistique, matériel, aidé par le Gallimard. Ça existe, mais c'est très, très limité. Donc là, j'ai trouvé, j'ai calculé, j'ai essayé de que ce type d'observation a transformé un indice qualitatif pour analyser mon objet de recherche. C'est ce que j'ai fait. Claire. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions. Je voudrais savoir. Parce que quand on écoute le récit de ce déclin, on se demande pourquoi et comment il continue cette publication aujourd'hui. Et peut-être, qui sont leurs lecteurs? C'est juste des bibliothèques qui les achètent? Comment ça se fait que ça continue, en fait? C'est encore la pratique. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, j'avais l'impression qu'ils avaient changé de maison d'édition. Ils ont été... Ils n'ont pas toujours été chez Gallimard? Non, ils étaient chez Fayard. Non, c'est pas Fayard. Oui, là, tu... mais il y a un changement. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que vous savez? Ça, on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Oui. En fait, toujours une analyse classique pour. Une étude classique portant sur les revues, quelles qu'elles soient, souvent une analyse nécessaire est. Fondamentale, c'est l'analyse de lectorat. Mais pour toutes les revues vivantes, c'est très très difficile, pour vous dire. Et puis, comme je vous ai dit, les chiffres avancés par les acteurs intéressés, souvent faux. Donc, aucun sens. Il y a une possibilité avec cette déclaration de ces impôts, etc., mais il y a certains services alternatifs, s'ils autorisent aux chercheurs d'accéder aux archives vivantes, mais c'est possible, sinon, c'est pas possible. Mais, ce qui ne veut pas dire l'absence des chiffres. L'absence de chiffres existe, se circule entre eux. Mais en fait, ça se perpétue parce que le comité de lecture fait tourner, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de demandes. Ça continue jusqu'à ce que... Ce qu'on appelle, c'est l'effet d'institutionnalisation, tu peux le dire, une fois qu'une revue s'installe, qui a dit tout à l'heure, les grands établissements bibliothécaires continuent à être abonnés. Souvent, c'est un peu mécanique, institutionnalisé. Et surtout, une fois qu'une revue obtient une autorité, qui fait ses lectures assez longtemps. Et actuellement, ils sont chez Gallimard, je ne sais plus. Toujours. Je pense, oui. Oui. Mmh. C'est devenu le rendement des situations pour que Lanzmann... Je voulais vous donner un indice très objectif. Pourquoi le temps moderne est moins important que le débat? Évidemment, c'est le directeur Claude Lanzmann. On peut, à travers le directeur de chaque publication, on peut dégager un indice. L'époque de Sartre, le temps moderne était commercialement très rentable pour Gallimard. Parce qu'il y a un grand auteur, il y a grands auteurs autour de Terre. Maintenant, ce n'est pas le cas. Lanzmann n'est pas un universitaire en sciences sociales humaines, cinéaste. Il est producteur de cinéaste. C'est Hezo, maintenant c'est PHL et d'autres. Voilà. Ce n'est pas du tout ce qui était à l'époque de Sartre. Par contre, imaginons le pouvoir de Nora dans le monde d'édition. Voilà. Donc, c'est très parlant. Pourquoi le débat est plus important? Ce n'est pas le nombre des chiffres des abonnés, mais c'est pour Gallimard, c'est le poids du débat et de l'état moderne. Complètement différent. Dernier indice objectivé, il y a 5 ans, 7 ans que j'ai mené les enquêtes, il y a un demi-poste cet été, une vieille dame qui travaille dans le bureau de l'état moderne. Par contre, le bureau de le débat se trouve à l'intérieur du bâtiment avec le service permanent, y compris personnel. Quand je parle de ça, c'est vraiment ridicule, mais c'est ça la pratique. Donc pour moi, j'ai jamais écrit tout cela, mais j'ai essayé de, dans mes écritures, dans mon analyse, j'ai essayé d'absorber tout ce que j'ai collecté, ces informations. Merci. Tu me demandais pourquoi c'était passé de Julliard à Gallimard. C'est Julliard, oui, pardon. Et en fait, dans John Garassi, qui est sorti en mars, il me pose la question, John Garassi à Sartre, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Et c'est parce qu'en fait, c'est Malraux, apparemment, qui a fait pression sur Gallimard pour que, en le menaçant de dénoncer ses activités pendant la guerre, lâcher le temps moderne. Donc c'est Sartre qui dit ça. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chez Julliard. Ils ont déménagé chez Julliard. Et après, une fois que. Quand Julliard est mort, Gallimard qui a repris la boîte lorsque papa avait plus ou moins pris sa retraite nous a repris. Ce serait dépression de Malraux. Peut-être, oui, c'est une des raisons principales. C'est pas, dans mon exposé, je n'ai pas passé trop rapidement. Si vous avez 30 secondes pour vous jeter un coup d'œil comment le rôle des temps modernes, comment sur le système de circulation, le rôle des différents de diffusion de différents supports de publication à cette époque. Ce témoignage, Jean-François Revel, il est aussi un acteur très très intéressé, hein, jamais neutre vis-à-vis. Il est très critique, même devenu quasiment. Il était résistant, maintenant il est presque extrême de droite. Mais en tout cas, ce témoignage est assez parlable pour observateurs extérieurs. De la globule. Ça, c'est tout est cassé maintenant, comme vous le savez très bien. Donc, tout, et beaucoup d'intellectuels, excusez-moi, je vais terminer, des années 60-70, qui étaient très, devenus de plus en plus conservateurs, mais depuis la fin des années 90, ils sont tous devenus, ils sont très radicalisés pour la défense de la culture française. C'est un phénomène très intéressant, je pense. Excusez-moi. Pour en finir votre exposé du début, vous avez insisté quand même sur deux choses, à savoir que l'une des choses qui pour vous a vraiment compté dans l'accentuation du déclin, c'est l'absence de ligne éditoriale, qui s'est fait de jour progressivement dans les années 70 et puis qui s'est vraisemblablement installée à partir de la prise du pouvoir par Mitterrand. C'était le moment de cristallisation. C'était le moment de cristallisation. Alors, au contraire, les autres revues que vous évoquez, sans marquer d'étiquetage simpliste, sont des revues nettement plus conservatrices d'ensemble. Je pense que, indépendamment de la question des revues et de la trajectoire singulière des temps modernes, c'est de façon générale le déclin de la presse de gauche par opposition aussi à la presse de droite qui est majeure à l'époque. Ça me semble assez. En tout cas, ce que vous citez notamment là sont. Merci d'avoir remarqué. C'est vraiment. J'ai passé trop vite, mais c'est ça. En même temps, c'est pas uniquement des publications des revues intellectuelles savantes, etc. D'autres revues intellectuelles importantes qui ont disparu, des clans, imaginons la pensée, la revue communiste, mais ce n'est pas la revue communiste en tant que telle, la revue des intellectuels, enfin, rationalistes, dans les années 30. Voilà. C'était ça, ces grandes revues intellectuelles, soit la disparition, soit à leur tour, déclin. L'exemple révélateur, c'est le tel quel qui a disparu. Une dernière question. Oui. Je voulais savoir quelle était l'influence des temps modernes dans les pays étrangers, s'il y en avait une, et s'il y avait une influence plutôt dans quel pays, dans quelle région du monde pouvait être lu, traduit. Il y a les revues. J'ai remarqué rapidement. C'est au moment, une période noire, on sombre, c'était début des années 80, ou tout au long des années 80, l'État moderne a publié beaucoup de articles consacrés aux pays étrangers, souvent personne n'en parle. Par exemple, le Chili, d'autres, etc. Mais là, je pense, ça, je n'ai pas fait l'enquête à l'étranger, mais justement, dans un sens commun, ordinaire, je pense que l'État moderne est. L'influence des temps modernes au Japon est très importante, à ma connaissance, que je ne connais pas. En Corée, un peu, mais beaucoup moins, de manière importante. Et peut-être certains pays, Afrique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sens. L'Amérique latine, je ne sais pas, Mexique. Mais en tout cas, au Japon, c'est plus marqué que les autres. Même il y a beaucoup de spécialités de fat qui continuent à exister, comme lui, en Corée, en train de disparaître. C'est un signe. Prospectivement observable.